J'aperçois ces bouts du monde et qu'à leur horizon rougeoie, l'astre solaire disparaissant. Je n'ai plus souvenir de moi. Je n'ai plus souvenir de moi. Mon esprit alors prend la fuite, investissant les perspectives comme autant de lignes de choix. Et faisant fi des invectives, semblant lui demander pourquoi, emplit l'espace environnant comme si c'était la première fois. Appartenait au grand tout, duquel il aurait fait son toit. Quand j'aperçois les bleus de lune que la mer offre à nos ébats, et qu'alors nos corps s'envoluttent de vers plancton luminescent. Cache ton cœur et dans tout point semblable au mien, cherchant à conjurer ses peurs. Quand j'aperçois ces bouts du monde et qu'à leur horizon flamboie l'astre solaire renaissant, je n'ai plus souvenir de toi. Comme si la nuit avait gardé notre amour pour qu'il ne se noie. Une dernière fois.